Vous connaissez le verbe können, qui veut dire pouvoir, mais aussi sa forme au conditionnel, könnten. Könnten, qui s'écrit K-O-Umlaut, 2-N-T-E-N. Könnten, c'est pouvoir au conditionnel. Donc, könnten correspond à pourrions, pourriez, pourrait, comme dans pourriez-vous me dire? Comment dira-t-on pourriez-vous me dire? Könnten Sie? Könnten, oui. Könnten Sie mir sagen? Bien. Könnten Sie mir sagen? Et pourriez-vous venir avec moi? Venir au sens d'accompagner se dit mitkommen. Donc, pourriez-vous venir avec moi? Könnten Sie mit mir mitkommen? Bien. Könnten Sie mit mir mitkommen? Et pourrais-tu se dira? Könntest du? Könntest du? C'est ça. Après du, le verbe prend une terminaison en st. Alors, comment diriez-vous pourrais-tu venir avec moi? Könntest du mit mir mitkommen? Bien. Könntest du mit mir mitkommen? Avec können, pouvoir, attention à ne pas confondre deux formes qui se ressemblent fortement. D'une part, könnten et d'autre part, konnten. Könnten correspond à pourrions, pourriez, pourrait. Donc c'est le verbe pouvoir au conditionnel. Könnten avec le O umlaut. Tandis que konnten, sans umlaut, correspond à pouvions, pouviez, pouvait. Donc au passé du verbe pouvoir. Comment dira-t-on pourriez-vous m'attendre? Könnten Sie? Könnten Sie? C'est bien ça. C'est pourriez-vous? C'est un conditionnel. M'attendre, c'est-à-dire attendre sur moi. Auf. Könnten Sie auf mich warten? Könnten Sie auf mich warten? Et pourriez-vous me dire où c'est? Könnten Sie? Könnten Sie? Oui. Könnten Sie mir sagen, wo es ist? Bien. Könnten Sie mir sagen, wo es ist? Et maintenant, comment diriez-vous? Je suis désolée, mais je n'arrivais pas à vous comprendre. Je ne pouvais pas vous comprendre. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mais. Aber. Je ne pouvais pas vous comprendre. Ich. Könnte. Attention, là c'est un passé. Je ne pouvais pas. Ich konnte. Ich konnte. Oui. Je ne pouvais pas. Vous comprendre? Ich konnte sie nicht verstehen. Es tut mir leid, aber ich konnte sie nicht verstehen.